Laissons au placard ses costumes de grand. Allons rire comme des enfants. Plus obligés de faire semblant, nous serons-nous enfin vivants? Allez, sois créatif, cette nuit nous sommes des fugitifs. Prends ma main, laisse ton cœur s'envoler, le temps est court, on le passera à s'aimer. Prends ma main, ferme tes yeux, n'aie pas peur, cette nuit nous sommes deux. Laisse tes problèmes loin derrière, vis cette nuit comme si c'était la dernière. Tu es un diamant, retrouve ta lumière, ta lumière, ta lumière. Allons braver la nuit, ce sera pour une nuit, ou pour cette nuit, ou pour la vie. Profitons du temps qui s'en va, vivons quelques heures sans doute. Tu sais, la vie est si courte, le temps s'échappe de nos bras. Danse avec moi, fait-on, la vie frappe des mains et oublie. Oh, viens, ouvre les yeux, la vie n'est qu'un jeu. As-tu oublié ce que vivre signifie? Prends ma main, ferme tes yeux, n'aie pas peur, cette nuit nous sommes deux. Laisse tes problèmes loin derrière, vis cette nuit comme si c'était la dernière. Tu es un diamant, retrouve ta lumière, ta lumière, ta lumière. Allons braver la nuit, ce sera pour une nuit, ou pour cette nuit, tout ce qui nous reste. Ne laissons pas fuir notre jeunesse. Aimes-tu cette sensation? Fais-t-on ce frisson? Je suis ton brin de folie pour la vie. C'est toi qui m'as choisi. Alors laisse ma lumière te guider. Fais un pas sans te retourner. Prends ma main, ferme tes yeux, n'aie pas peur, cette nuit nous sommes deux. Laisse tes problèmes loin derrière, vis cette nuit comme si c'était la dernière. Prends ma main, ferme tes yeux, n'aie pas peur, cette nuit nous sommes deux. Laisse tes problèmes loin derrière, vis cette nuit comme si c'était la dernière. Tu es un diamant, retrouve.